Chapitre 34e. Thérèse avait lu cette longue lettre debout au milieu du salon. Lorsqu'elle leva les yeux, sa lecture achevée, elle aperçut Horace devant elle. « En bonne santé ? » demanda-t-il. « Emprisonné à Mazas. Oh mon Dieu ! Nous allons le faire délivrer. Je vais à l'hôtel de ville parler à mon oncle. Voulez-vous rentrer et porter cette lettre que mon cousin écrit à Michel ?»« Je le voudrais, mademoiselle. » Mais j'ai promis à M. Michel de ne pas vous perdre de vue. Je ne peux pas porter cette lettre si vous allez à l'hôtel de ville. Je vais l'envoyer. Thérèse connaissait l'obstination de Horace. Elle savait qu'elle n'obtiendrait rien en insistant. Il valait donc mieux accepter son secours que d'engager une discussion avec lui. Ce serait du temps perdu, et elle n'en voulait pas perdre. D'un autre côté, elle ressentait une certaine inquiétude à la pensée de confier à un commissionnaire une lettre dont l'affranchissement avait coûté 5 000 francs. Bien certainement. Si le colonel écrivait à Michel, c'était pour une chose importante. Elle s'approcha du guichet, derrière lequel se trouvait le commis auquel elle s'était adressée en entrant. « Pourriez-vous envoyer par quelqu'un de sûr à l'hôtel Chamberlain porter une lettre écrite par le colonel ?» On savait à la banque la disparition mystérieuse du colonel. En entendant parler d'une lettre écrite par lui, on interrogea Thérèse. Il dit que le colonel était à Mazas. À Mazas ! Ce fut une explosion d'exclamations. Le premier mouvement de surprise passé, le commis auquel Thérèse parlait dit qu'il allait lui-même porter cette lettre. Alors Thérèse la lui donna, en y joignant 2 lignes pour dire à Michel qu'elle partait pour l'hôtel de ville afin de voir son oncle. Depuis que Sorieul avait été nommé membre de la commune, il ne demeurait plus à l'hôtel Chamberlain. Ses électeurs ne lui eussent pas pardonné d'habiter un hôtel du faubourg Saint-Honoré. Et d'autre part, les discussions qui s'étaient élevées entre Antoine et lui rendait une intimité impossible entre les 2 beaux-frères. Il avait donc repris son logement de la rue de Charonne. Si Thérèse ne le trouvait pas à l'hôtel de ville, elle irait rue de Charonne. Mais l'hôtel de ville étant sur son chemin, c'était par là qu'elle devait commencer ses démarches. En route, elle raconta à Horace l'arrestation du colonel, son emprisonnement à la conciergerie et son transfèrement à Mazas. Horace était indigné, et quand il rencontrait un garde national, il lui lançait des regards furibonds en les accompagnant de gestes qui n'avaient pas besoin de la parole pour être compris. Ils arrivèrent à la place de l'hôtel de ville, sur laquelle étaient alignés des canons et des mitrailleuses. Des clairons sonnaient, des tambours battaient aux champs, et sur le quai, dans la rue de Rivoli, des cavaliers vêtus d'une chemise rouge et la tête empanachée de plumes galopaient sans cri égard. Leurs sabres sautaient, de ça et là, avec un bruit de ferblanterie, et aller voir lever la tête en jetant à droite et à gauche des regards de vainqueurs, on sentait combien ils étaient glorieux de ce tapage. Thérèse, suivie d'Horace, pénétra assez facilement dans l'hôtel de ville, mais bientôt un factionnaire lui barra le passage avec son fusil et prit un air redoutable pour lui demander si elle avait un laissez-passer. Elle fut obligée de déclarer qu'elle n'en avait point, mais elle venait voir son oncle, le citoyen Sorieul, et elle avait cru qu'elle n'avait pas besoin de permission pour entrer. « Le citoyen Sorieul s'occupe du peuple. Il n'a pas le temps de recevoir les femmes. Ce sera du propre. Allons, passez au large. » N'était-elle venue jusque-là que pour échouer? Le temps pressait. Heureusement, à ce moment même, arrivait un ancien ami de son père qui lui aussi était membre de la commune. Elle courut à lui. Mais tout d'abord, il ne la reconnut pas, bien qu'il l'eût vue 100 fois rue de Charonne, au temps où il venait aux réunions d'Antoine Chamberlain. « Et que voulez-vous ici, mon enfant? Voir mon oncle Sorieul? « Montez avec moi. » Toujours accompagnée d'Horace, elle le suivit dans une grande salle encombrée de paille, de fusils, de sacs, de couvertures, de tables et de gardes nationaux qui dormaient, mangeaient, jouaient ou buvaient. 2 huissiers, assis gravement au milieu de cette foule, répondirent que le citoyen Sorieul n'était pas encore arrivé. Le parti de Thérèse était pris. Ne trouvant pas son oncle, elle voulut demander la liberté du colonel à cet ancien ami de son père. « Mais mon enfant, je n'ai pas le temps. » « Il s'agit de sauver la vie de mon cousin, arrêté depuis plus de 15 jours et au secret, je vous en prie. » Il y avait tant d'éloquence dans ce cri qu'il se laissa toucher. « Venez avec moi, » dit-il. Horace voulut les suivre, mais il lui fit signe d'attendre. Lorsque la porte de la pièce dans laquelle elle était entrée fut refermée, elle commença le récit de l'arrestation et de l'emprisonnement du colonel, et sans se reprendre, sans s'interrompre, debout, parlant dans les yeux de celui qui l'écoutait, elle dit tout ce qu'il était utile de dire, et elle termina en demandant un ordre pour la mise en liberté immédiate de son cousin. Mais les choses ne pouvaient marcher avec cette rapidité et cette simplicité. Votre cousin, ma chère enfant, est un otage. Son arrestation et sa mise au secret sont, j'en conviens, indignes, et je ne sais qui s'en est rendu coupable. Je vous promets que cette mise au secret va cesser, mais pour sa libération, c'est autre chose. Versailles nous fait une guerre de sauvages. Il assassine nos femmes et nos soldats. Il faut que nous nous défendions et que nous prenions nos sûretés. Depuis qu'on sait que nous avons des otages aux mains, on a peur. Nous ne pouvons pas renoncer à nos moyens de défense. » Soriol, en arrivant, interrompit ce discours que Thérèse écoutait avec stupéfaction. Lorsqu'il apprit que le colonel était arrêté, il ne prit pas cette nouvelle comme son collègue. « Il faut que je sache qui s'est permis de faire arrêter mon ami » s'écria-t-il, « car tout le monde sait que le colonel Chamberlain est mon ami. Il sera mis en liberté ce soir. J'en fais mon affaire personnelle. Compte sur moi. » Thérèse eût voulu avoir un permis d'entrer à Mazas, mais à ce mot Soriol se récria. « Ce n'est pas d'un permis pour entrer Mazas qu'il s'agit, mais d'un permis pour en sortir. Et je te donne ma parole d'honneur de te conduire, Édouard, avant ce soir. Rentre chez toi et attends-le. » « Pourquoi ne voulez-vous pas que je lui porte cette bonne nouvelle ? Parce que je vois dans cette affaire une sorte de mystère qui m'inquiète. Or, les mystères doivent être traités au grand jour. N'ébruitons rien avant que je frappe le coup décisif. As-tu confiance en ton oncle ? Le crois-tu capable de manquer aux lois sacrées de l'amitié ? Tu vas voir comme je sers mes amis. » Il fallut qu'elle se contentât de ces grands mots et rentra à l'hôtel. « À ce soir, dit Soriol, et fais préparer un bon dîner pour ton cousin. » Pendant que Thérèse faisait cette visite à l'hôtel de ville, Michel lisait la lettre du colonel qui lui avait été apportée par le commis de l'American Bank. Elle était ainsi conçue, cette lettre. Mazas, 20 avril 1871. Cette lettre est pour vous seul. Veuillez donc, si on vous la remet devant mon oncle et ma cousine, ne pas la laisser lire par eux. En même temps que je vous écris, j'écris à Thérèse, et je lui raconte en détail comment j'étais arrêté et successivement emprisonné à la conciergerie et à Mazas avec secret absolu. Si ces détails vous intéressent, faites-vous les compter par Thérèse. Entre nous, il ne doit être question que de choses plus graves, car ce n'est pas pour moi que je vous écris, c'est pour Thérèse, et c'est pour mon oncle, qui l'un et l'autre sont en grand danger. C'est de ce danger que je viens vous demander de les sauver. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, les coups de revolver qui ont été tirés sur nous, ou plutôt sur moi. Ces coups de revolver faisaient suite aux coups de couteau que j'avais reçus dans la forêt de Marly. Maintenant, mon arrestation fait suite à ces deux tentatives d'assassinat et à quelques autres commises pendant la guerre. On veut me tuer pour avoir ma fortune. Je n'ai pas besoin de vous nommer ce on, vous l'avez vu et reconnu. Est-ce lui qui a eu l'idée de ce meurtre ? Je ne le crois pas, mais il est sous la domination d'un homme capable de tous les crimes et qui a combiné cette affaire. Cet homme, qu'on appelle le Fourrier ou la Prestance, est un bandit célèbre dont vous avez dû entendre parler. La combinaison de ce bandit est des plus simples. Si je suis tué, ma fortune revient à mon oncle, et de mon oncle, elle passe aux mains de Thérèse et de celui que vous avez vu. Entre ma fortune et ce dernier, il y a donc trois personnes, moi d'abord, puis mon oncle, puis Thérèse. Le premier à frapper, c'est donc moi. Puis viendront mon oncle et Thérèse. Est-il possible qu'un pareil projet ait pris naissance dans la tête de celui qui a été votre camarade et votre ami ? Vous vous refuserez à le croire, je pense. Moi-même, j'étais longtemps sans vouloir admettre la possibilité d'une pareille combinaison. Et lors de la tentative de Marly, j'ai même combattu, de toutes mes forces, les soupçons du juge d'instruction, qui avait très finement trouvé le mobile de cet assassinat. Si je ne voulais pas croire qu'un cousin pouvait faire assassiner son cousin, à plus forte raison, je ne pouvais pas admettre qu'un fils pouvait faire assassiner son père, un frère, sa sœur. Après tout ce qui s'est passé, je ne le crois pas encore. Mais depuis que je tourne dans ma cellule, j'ai eu le temps de réfléchir, et mon esprit, toujours tendu sur une même idée, est arrivé à une clairvoyance qui, j'en suis certain, ne m'abuse pas et ne m'égare pas. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée de l'assassinat de la forêt de Marly, et présentement, il n'a pas davantage à l'idée de l'assassinat de son père et de sa sœur. C'est son complice, son associé, qui a ses idées et qui poursuit leur exécution. Peut-être admet-il la nécessité de ma mort, cela, je le croirais volontiers. Mais celle de son père et de sa sœur ne s'est pas probablement présentée à son esprit. En tout cas, on n'aura pas dû la lui présenter. On lui aura dit que, moi mort, il était l'héritier certain de ma fortune et qu'alors il lui serait facile d'escompter cet héritage. Mais ce calcul, j'en suis certain, n'est pas celui du Fourrier. Ce qu'il veut, ce qu'il poursuit, c'est notre mort à tous, la mienne d'abord, celle de mon oncle et de Thérèse ensuite, et enfin celle de son associé, si celui-ci ne lui fait pas sa part assez belle. Pour ma mort, je pense qu'il obtiendra ce qu'il cherche. Il m'a déjà fait emprisonner. Comment ? Je n'en sais rien. Mais sa main est dans mon arrestation, j'en suis certain, et ce commencement est déjà un succès pour lui. Sans doute on cherchera à me faire mettre en liberté, mais je doute qu'on réussisse, car le motif de mon arrestation est bien trouvé. Intelligence avec le gouvernement de Versailles, ce que je ne peux pas nier. De plus, je suis un otage, et cela réuni suffit pour qu'on me garde. Pendant que je serai enfermé, ne se présentera-t-il pas quelque soulèvement populaire, quelque grande catastrophe qui poussera au massacre des prisonniers? Cette éventualité me paraît probable. Alors il est bien certain que je serai un des premiers massacrés, sans que la commune soit absolument responsable de ma mort, autrement que par mon arrestation. Vous voyez que je raisonne avec calme et sans passion. Cela doit vous convaincre que je ne me trompe pas. Mais si je suis tué, et je ne vois pas par quel moyen échapper à la mort, il ne faut pas que mon oncle et ma cousine soient exposés au même danger. Car il me paraît certain qu'en même temps qu'on me fera disparaître, on tâchera de se débarrasser d'eux. S'il reste à Paris, croyez-vous que cela soit difficile dans une catastrophe comme j'en pressens une? Non, n'est-ce pas? Il ne faut donc pas qu'il reste à Paris. Et c'est pour cela que je vous écris. C'est pour que vous les emmeniez hors de Paris. J'ai déjà écrit à Thérèse dans ce sens, en lui demandant de faire sortir de Paris son père, qui me paraît menacé d'arrestation. Mais je ne sais pas s'il réussira, et je vous prie d'unir vos efforts aux siens. Quels moyens emploierez-vous? Je ne les vois pas, car il est bien entendu que vous ne pouvez pas expliquer à mon oncle les dangers que je redoute pour lui et pour Thérèse. Il est déjà assez malheureux par son fils, sans encore jeter de pareilles idées dans son esprit. Cherchez, usez de votre influence, réclamez, comme un service personnel, que mon oncle et Thérèse vous accompagnent. Enfin, sortez au plus vite de Paris tous les trois. Surtout, tâchez de les empêcher de s'occuper de moi, et représentez-leur qu'ils ne peuvent rien. Tandis que Soriol, qui peut beaucoup, fera tout au monde pour me sauver s'il a seul la responsabilité et la gloire de ma délivrance. Comme j'ai longuement réfléchi à ce triste sujet, et avec une application d'esprit que vous pouvez comprendre sans qu'il soit utile que j'insiste, je crois avoir à peu près tout prévu. J'ai donc dû admettre que vous ne réussiriez pas dans vos tentatives auprès de mon oncle, qui malgré tout voudrait s'occuper de ma délivrance. Dans ce cas, emmenez au moins Thérèse. Puis, pour diminuer les dangers que courra mon oncle, employez, je vous prie, un subterfuge qui m'est venu à l'idée. Ce qui inspire le plan du fourrier, c'est la pensée que mon héritage doit nécessairement revenir à mon oncle. S'il me savait un autre héritier plus proche, la vie de mon oncle et de ma cousine serait peut-être sauvée. Faites donc copier par Horace les quelques lignes suivantes en forme de lettre. J'ai reçu par votre gardien de Mazas le testament que vous m'avez envoyé. Il est en sûreté, selon votre désir, je vous en donne l'assurance. En même temps, permettez-moi de vous adresser mes félicitations pour ce que vous faites en faveur de votre jeune enfant. Bien que non reconnu, il n'en est pas moins votre fils. Et vos parents, de la ligne paternelle, je veux dire votre oncle et votre cousine, seront bien assez riches de la rente viagère que vous leur laissez. Au bas de cette lettre, vous apposerez une signature à peu près illisible, puis vous ferez mettre la lettre à la poste, adressée en mon nom à Mazas. Cette lettre sera lue, et comme elle prouvera que malgré le secret rigoureux qui m'a été imposé, j'ai trouvé moyen de communiquer avec l'extérieur. Elle fera un certain bruit dans la prison où le fourrier doit avoir des complices. En voyant son plan renversé, peut-être renoncera-t-il à en poursuivre l'exécution. Et s'il me fait tuer, ce ne sera plus que pour se venger d'avoir échoué et aussi pour que je ne dénonce pas, quand la marche des choses sera rétablie, celui qui m'a envoyé 3 coups de revolver à Saint-Cloud. En tout cas, mon oncle et Thérèse seront sauvés. Ce que nous devons l'un et l'autre chercher avant tout. Dans mon inquiétude, qui est grande, se met un soulagement de penser que vous êtes près d'eux pour les défendre, car je sais que leur vie ne pourrait être mise en des mains plus courageuses et plus loyales que les vôtres. Ce qui, humainement peut être fait, sera fait par vous, j'en suis certain. Et cette lettre écrite, je me sens presque rassuré en vous adressant mes adieux, Édouard Chamberlain. Cette lettre jeta Michel dans une terrible angoisse, car l'idée ne lui vint pas de considérer un seul instant les craintes du colonel comme exagérées. Il connaissait Anatole mieux que personne et savait de quoi il était capable. Jusqu'où n'avait-il pas pu aller, entraîné par un homme tel que ce fourrier? S'arrêterait-il devant l'assassinat de son père et de sa sœur? Cela n'était pas aussi certain pour Michel que pour le colonel. Il fallait donc, au plus vite, emmener Antoine et Thérèse hors de Paris. Les difficultés étaient grandes, car il était bien certain qu'on ne pouvait pas parler à Antoine ni à Thérèse des dangers qui les menaçaient. Et l'un et l'autre, l'oncle comme la cousine, voudraient rester à Paris pour essayer de sauver le colonel. Quand Thérèse revint de l'hôtel de ville, il ne s'était encore arrêté à rien. Des moyens se présentaient à son esprit, mais pas un seul n'était tout-puissant. « Il sera libre ce soir, » s'écria Thérèse dès la porte. Il raconta son entretien avec son oncle, la colère de celui-ci en apprenant l'arrestation du colonel, ses promesses. Mais Michel connaissait Sauriol et sa puissante illusion. Sans doute, Sauriol allait faire tout ce qu'il pourrait pour obtenir la mise en liberté du colonel. Il n'y avait pas à craindre qu'il épargnât sa peine et ses paroles. Mais que pouvait-il? Quelle était son influence? Michel était loin de croire, comme on le disait à Versailles, que tous les membres de la commune étaient des coquins. Mais d'un autre côté, il ne croyait pas davantage que tous étaient des honnêtes gens. Pour lui, il y avait de l'un et de l'autre. Ceux qui se faisaient les instruments d'Anatole et du Fourier étaient assurément des coquins dignes de ceux qui les inspiraient. Mais là était précisément le danger, car dans une lutte entre un coquin et Sauriol, les chances n'étaient pas pour celui-ci. « J'ai aussi reçu une lettre du colonel, dit Michel, dans laquelle il me charge de vous emmener hors de Paris, vous et votre père. Il me donne la responsabilité de votre salut, et vous devez sentir que, dans les conditions où nous sommes vis-à-vis l'un de l'autre, je dois tout faire pour lui prouver que je suis digne de cette marque de confiance. Je compte donc sur vous pour me faciliter ma tâche et m'aider à décider votre père. Mais nous partirons tous ensemble demain, et ce sera le colonel lui-même qui décidera mon père. » Fallait-il avouer ses craintes et dire que le colonel ne serait probablement pas libre le soir comme elle l'espérait? Il ne l'osa pas. D'ailleurs, Thérèse n'était pas en disposition de l'entendre. Elle avait hâte de s'enfermer dans le cabinet de son cousin pour ouvrir cette enveloppe dont il lui parlait dans sa lettre. Combien de fois, pendant le siège, l'avait-elle prise dans ses mains et regardée? Que d'heures elle avait passé ainsi en pensant à lui? Qu'y avait-il dans cette enveloppe mystérieuse? Quel doux rêve! Et comme alors le temps fuyait vite, en laissant en elle de tendres souvenirs. Enfin, elle allait savoir. Cependant, son cœur se serra en déchirant le papier de l'enveloppe. Elle enfermait une feuille de papier timbré, avec quelques lignes d'écriture et une lettre. Elle laissa la feuille de papier timbré et vivement elle prit la lettre. « Je vous aime, chère Thérèse, je vous aime. Ma vie, désormais, sera dans ces trois mots. Recevez l'assurance de ma profonde tendresse et de l'amour de votre ami, de votre mari. » Sa femme, elle? Et elle se laissa aller dans le fauteuil sur lequel elle était assise, défaillante de joie, étouffée par une émotion délicieuse et mortelle. Sa femme? Et ce soir même, il allait revenir près d'elle, ensemble, pour toujours.